C'est ça. Du coup, ça m'a bloqué un peu. Hello, Kavi. Shalom. Putain, si je dis shalom. What? Hello? Guto, no comprendo. Muy bien, si, si. Ah, el niño. Shalom. C'est trop mignon. Attends, c'est quoi ça? C'est trop fort. C'est trop mignon la petite fille. Tu le déchaînes. Mais pourquoi c'est si fort, il faut tout le monde. Thank you. Disculpe. Podéis repetir. No percebo. Fales inglés. Falo inglés. O falo francés. Disculpe. ¿De dónde a Senores?